c'était bien. Peut-être qu'hier sera meilleur. Passez me voir au magasin. Mes employés travaillent la nuit. Vous les reconnaîtrez à leur mépris. Je suis marchand de bonheur, de l'oubli pour votre âme. Je suis marchand de bonheur, je vends au litre ou bien au gramme. La maison ne fait pas crédit. Si vous êtes un peu junkie, vous comprendrez que ce soit ainsi. Si vous voulez l'un de ces rêves qui sont si forts que l'on en crève, alors il faut se démener, il faut payer pour consommer. Car je suis marchand de bonheur, mais je ne veux pas de cadeaux. Je suis marchand de bonheur, aucune confiance aux toxicos. Vous les connaissez-vous, ces paumés-là, des anonymes qui ne marchent pas droit, qui font trop de bruit ou n'en font pas, sans parents, sans famille, sans avenir et sans passé, leur présence est déchirée depuis qu'ils m'ont rencontré. Car je suis marchand de bonheur, mais je ne veux pas dans le social. Je suis marchand de bonheur, rien à foutre s'ils se font mal. Dabidi bidap, dabidi bidap, dabidi bidap, dabidi bidap.